Bon, c'est pas un exercice simple de synthétiser pas mal de questions. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai repris ici trois ou quatre thématiques qui sont générales, en fait, qui reviennent dans plusieurs questions et qu'on va poser à chacun. Hein, je vous propose de prendre 1 ou 2 minutes pour répondre à ces quatre thématiques. Et puis alors, il y a des questions plus particulières qui seront posées par Faiza. Alors, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la question de l'allocation universelle. D'une part, on demande une précision à Bernard Friot sur la différence entre allocation universelle, revenu de base et salaire à vie. Mais également, il y a des questions sur la position de chacun par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une interrogation par rapport à cette sécurisation du revenu. Est-ce que ce n'est pas quelque part quelque chose qui légitime la paix sociale? Troisième chose, il y a une question qui s'adresse à vous tous, sur le sens du travail. Est-ce que la question de l'estime de soi au travail, du sens du travail, ne doit pas être plus intégrée dans les revendications syndicales ou en tout cas une thématique syndicale importante? Donc ça, c'est les trois choses. Et alors, il y a une hypothèse que je vous livre, parce que je ne saurais pas la synthétiser. Il y a une proposition d'arrêter de lire et de défendre la cotisation sociale comme un système assurantiel financé par ponction sur le salaire des actifs, mais bien de la défendre comme un système de socialisation salariale que les entreprises et les employeurs sont contraints de financer. Voilà, c'est une lecture différente de la cotisation sociale. Je pense que c'est surtout une question qui s'adresse aux deux syndicalistes. Voilà. On peut essayer de répondre en 1 minute sur chacune des questions. Allocation universelle revenu de base, je ne sais pas. Chacun a droit à un revenu pour vivre. Ça, c'est la base de notre raisonnement. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de revenu pour vivre. Les personnes qui sont exclues des allocations d'insertion, elles n'ont pas de revenu pour vivre. Et puis, il y a une masse de personnes qui ont un minimum de revenus, je l'ai dit, soit parce qu'elles sont pensionnées, soit parce qu'elles sont... Elles n'ont pas de boulot, soit parce qu'elles sont malades, etc., mais que ces revenus, ils sont conditionnés. Il faut les justifier en fonction de votre situation familiale, en fonction du fait que vous avez un passé professionnel ou pas. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à garantir un minimum de revenus à tout un chacun qui soit lisible pour les uns et les autres, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lisible, qui fasse que chaque fois que vous changez de situation, de famille, ou de situation professionnelle, eh bien ça change et donc vous ne vous y retrouvez pas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire valoir leurs droits de base. Donc ça, c'est une vraie question. Je me méfie des termes, allocation universelle, revenu de base, etc., parce que notre crainte, c'est qu'on s'enferme dans un concept dont il y a 25 lectures différentes, et puis après, tout le monde dira, mais c'était pas ma version, et c'était pas ça que j'ai voulu dire, et entre-temps, on aura détricoté tout ce qu'il y a. Et donc, pour ce qui nous concerne à la CSC, on a convenu qu'en 2017, on allait se pencher sur ces questions-là, mais pas pour dire est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre un revenu de base, pour ou contre une allocation universelle, mais en disant comment est-ce que, en 2016 et au XXIe siècle, dans la société qui est la nôtre, les principes de progrès social, d'émancipation, de justice sociale, on peut les défendre au mieux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est en garantissant des droits en dehors du travail? J'entends des droits liés à la personne plutôt que des droits liés à l'emploi. Je n'en sais rien. On souhaite faire le travail sérieusement sur la question. Deux, sur la sécurisation du revenu, est-ce que ça justifie la paix sociale? J'ai du mal avec cette question. J'ai sincèrement du mal avec cette question. Dites-moi qui peut vivre sans avoir un minimum de revenus pour satisfaire ses besoins de base? Et donc, je pense qu'on doit faire attention à ces expressions-là. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pour Uber, travaillent pour Airbnb, enfin, même pas pour ou contre. Ils sont quelque part dans ces réseaux-là, parce qu'il faut qu'ils mangent tous les jours, parce qu'il faut qu'ils aient un toit, etc. J'aimerais qu'on ne perde pas ça de vue. Et je fais le lien avec ce que Bernard Friot a dit tout à l'heure, quand vous avez évoqué, ce sont les jeunes. Qui, à un moment donné, aujourd'hui, et les jeunes diplômés qui font sécession par rapport au système. Je le remarque et je trouve qu'on a des luttes communes à mener. Mais en Belgique francophone, il y a une récente enquête qui s'appelle Noir-Jaune-Blues qui a été menée auprès de pas mal de jeunes et qui montre qu'aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas de qualification élevée, ils ne font pas sécession que du contraire. Ils n'aspirent qu'à une chose, c'est intégrer le système. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Je dis juste que c'est aujourd'hui une réalité. Et je reviens sur ce qui a été évoqué tantôt. À un moment donné, c'est la question du mouvement de masse et du rapport de force qu'on peut créer. Et nous ne souhaitons pas, comme organisation syndicale, traiter une partie de la jeunesse contre une autre partie de la jeunesse. Donc nous, il faut qu'on puisse prendre tout le monde avec. Sur les employeurs et contraindre les employeurs de financer les cotisations, moi, je ne sais pas, en 2025, qui sera un employeur aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure la déterritorialisation du capital. C'est Uber qui va payer les cotisations ? C'est Airbnb qui va payer les cotisations ? Est-ce que c'est un employeur ou pas ? Ces plateformes, elles ont un objectif commun. C'est être complètement retiré de toute relation employeur-travailleur. Et donc, qui va encore être le donneur d'ordre ? C'est le donneur d'ordre qui va financer les cotisations ? Il va les financer où ? La protection sociale, elle est territorialisée, elle est ici, maintenant. Et donc, toutes ces questions-là, elles nous interpellent bien au-delà du financement, oui ou non, alternatif de la sécurité sociale. Moi, je ne sais pas si on sera demain avec des employeurs, pas d'employeurs, et quelle forme ça prendra. Ce dont nous devons nous assurer comme organisation syndicale, c'est que la protection sociale, elle soit financée, et quelqu'un la finance, et que vous, que moi, demain, on puisse bénéficier de cette protection contre les différents risques. Ça, ce sont vraiment les principes de base pour nous. D'où le rôle central de la fiscalité. Je partage ce qui a été dit sur la fiscalité tout à l'heure. C'est quand même extraordinaire qu'en Belgique, il y ait des conseils consultatifs sur à peu près tout. Mais à peu près tout. S'il n'y en a pas sur la taille des champignons, il y en a sur tout. La préservation des arbres, les monuments et sites, etc., etc. Mais en matière de fiscalité, personne n'a voix au chapitre. Personne. Il n'y a pas un conseil de la fiscalité. Il n'y a pas un endroit où se fait l'arbitrage débattu publiquement et démocratiquement sur l'affectation primaire des ressources. C'est sans doute un manque flagrant dans le système démocratique qui est le nôtre. Je voudrais partir de ce qu'a dit Anne-Marie à propos de Airbnb ou de Uber. Nous avons là une très grave régression qui nous fait retourner au 19e siècle lorsque des donneurs d'ordre se dispensaient d'être employeurs. C'était le marchandage. Et tout le mouvement ouvrier s'est construit contre le marchandage pour imposer aux donneurs d'ordre de se poser comme employeurs, c'est-à-dire d'avoir des obligations d'employeurs. Et la question qui se pose aujourd'hui, face à ce retour du marchandage, à ce retour de capitalistes qui cherchent à être rentiers sans avoir assuré les responsabilités d'employeur, est-ce que nous avons à remener le combat pour que les droits se fassent dans le cadre de l'emploi avec des vrais employeurs ? Ma réponse est non. Ma réponse est non parce que nous ne trouverons plus d'interlocuteurs à l'échelle territoriale sur laquelle nous pouvons agir, parce que le capitalisme mondialisé peut se dispenser d'être employeur. Et par ailleurs, nous avons infiniment mieux à faire que de demander des employeurs. Parce que précisément, la socialisation du salaire que nous avons opérée permet d'effectuer du travail sans employeur. Je prends par exemple le conflit extrêmement vif des intermittents du spectacle en France. Ils ont 507 heures d'emploi dans l'année. Ils ne revendiquent pas d'en avoir 1500. Ils revendiquent d'avoir du salaire toute l'année pour 507 heures d'emploi. Ils ne demandent pas d'avoir de l'emploi à plein temps. Ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent être libres de leur activité lorsqu'ils sont entre deux cachets. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que toute une fraction de la jeunesse n'en est pas là. Et que le syndicat, c'est une organisation de masse, c'est pas une organisation d'élite. Là, moi, je l'entends entièrement. Je me suis battu, moi, dans l'UNEF, contre des gens qui voulaient en faire une organisation d'élite. J'ai toujours défendu que c'est une organisation de masse, un syndicalisme. qui doit partir de la situation dans laquelle sont les uns et les autres. Donc, mais c'est pour cela que la responsabilité des syndicats, c'est précisément de faire bouger cette attitude de mineur social, de « je demande un employeur ». C'est la responsabilité des syndicats, puisqu'ils voient bien, eux, que dans les entreprises, l'employeur se dérobe, que quand on cherche un repreneur, c'est vraiment un repreneur parce qu'il pique deux fois le mec, et qu'au bout du compte, 4 ans plus tard, il a liquidé la boîte. Donc on ne peut pas attendre d'employeur qu'il nous sauve. C'est fini cette affaire. Il y a donc un moment où la responsabilité syndicale comme organisation de masse, pas comme organisation d'une élite. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous, si nous devons une organisation d'élite, c'est foutu. La responsabilité des syndicats comme organisation de masse, c'est précisément d'auto-organiser les travailleurs dans leur capacité à produire eux-mêmes ce qu'ils ont à produire, à sortir de la minorité sociale et de s'appuyer pour cela sur ce que nous avons déjà construit. C'est pour ça que je prends l'exemple de la santé, parce que c'est un exemple macroéconomique tout à fait intéressant. Est-ce que... Notre responsabilité, c'est de garantir à chacun un revenu décent pour qu'il puisse satisfaire ses besoins. Non, non. C'est faire vis-à-vis, c'est intérioriser vis-à-vis d'autrui le mépris anthropologique qu'a le capital pour nous. Le capital, il nous considère comme des mineurs économiques qui avons droit à du pouvoir d'achat. Et tout le moment ouvrier, en conquérant dans le cadre de l'emploi la qualification, le salaire à la qualification, ça a été de dire nous ne sommes pas des êtres de besoin qui avons droit à du revenu pour pouvoir satisfaire nos besoins. Nous sommes les seuls créateurs. C'est nous qui produisons. L'espèce humaine, c'est une espèce qui produit son monde dans la négociation avec la nature. C'est ce qui nous caractérise. Et c'est ça qui fait que le travail est au cœur de notre humanisation. Le travail, mais sûrement pas l'emploi. Le travail et l'activité révolutionnaire que nos organisations syndicales ont su faire lorsqu'elles ont été à l'offensive entre 1920 et 1970, en gros, c'est à peu près ça la période d'offensive syndicale dans l'Ouest européen, ça n'a pas été de nous revendiquer comme des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat, avec un revenu décent pour tous. Moi, quand je fais des archives, je ne trouve pas ce vocabulaire syndical du tout. Je n'ai pas trouvé le mot « pauvreté » dans les tracts de la CGT dans les années 50-60. Jamais. On n'est pas des pauvres. On n'est pas des victimes. Ce que je trouve dans le vocabulaire, c'est « et on n'est pas solidaire de pauvres ». Déclarer quelqu'un pauvre, mais c'est le mépriser. C'est le définir par son manque. Personne n'est pauvre, personne n'est en manque, en situation de manque. Or, précisément, ce que fait cet organisme, je pense à la CGT parce que je travaille sur des archives de la CGT par exemple, ce que fait la CGT dans les années 50-60, c'est pas un syndicat de victimes. C'est nous sommes les seuls producteurs, nous sommes candidats au pouvoir économique. On ne se définit pas par la pauvreté. On n'est pas là pour lutter contre la pauvreté. Laissons ça à nos adversaires. Alors là, la droite, elle passe son temps à lutter contre la pauvreté. Et le revenu de base peut être un instrument de lutte contre la pauvreté. C'est tout à fait autre chose qui a mobilisé la classe ouvrière quand elle était à l'offensive. C'est la dignité de producteur. Parce que notre dignité, c'est d'être producteur. Je vais revenir rapidement parce qu'il y a des points évidemment qui se rejoignent. Peut-être aller plus concrètement sur ce qui, selon nous, motive notre opposition à l'allocation universelle. Oui. par rapport à une proposition de salaire à vie, il y a des points extrêmement concrets. C'est que d'une part, l'allocation universelle, généralement, c'est des montants qui ne permettent pas de se passer du marché du travail. C'est une, quand même une première grosse caractéristique, un premier gros critère qui fait que pour nous c'est inacceptable. Ça l'est d'autant plus que ça aboutira en fait à subventionner des emplois précaires. Et donc ça aboutit vraiment à c'est une manière de mettre une béquille sur une précarisation de l'emploi qu'on rejette évidemment fortement. Donc il y a la question du montant qui distingue toutes les propositions. Il y a la question du financement aussi. Comment est-ce qu'on le finance ? Est-ce qu'on le finance par la cotisation, par exemple ? En tout cas, par une nouvelle façon de pratiquer la valeur. Ça peut aussi être par de la création monétaire. Il y a des autres propositions, notamment dans les milieux écologistes. Je pense à ce que Paul Ariès propose, par exemple, qui passe par de la création monétaire, qui sort de la pratique capitaliste de la valeur. Donc il y a aussi le financement. Alors que si on se base sur de la fiscalité, on reste dans un modèle capitaliste, on reste dépendant d'une accumulation capitaliste pour financer le modèle. Donc ça ne permet pas d'en sortir. Donc, pour nous, si ça doit être un instrument de sortie du capitalisme, il faut que ça respecte ces deux critères-là. Et donc, troisième critère de différenciation des propositions, selon nous en tout cas important, c'est leur perspective. Est-ce qu'on en fait un outil d'accommodement des tendances actuelles ? Est-ce qu'on en fait un outil d'accommodement de justement la précarisation qui s'installe ? Ou au contraire de dépassement des rapports de travail tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui ? Nous, c'est évidemment vers ça qu'on tend, et donc c'est pour ça qu'on rejette fermement les premières propositions et qu'on partage plutôt celles qui s'inscrivent dans le deuxième projet. Alors là, pour répondre juste vite aux autres questions, parce qu'en fait elles résument un petit peu, enfin elles sont toutes liées à ce même enjeu. Est-ce qu'on reste dans ce cadre-ci, dans cette façon-ci de concevoir le travail, la façon dont on produit, la façon dont on reconnaît ce qui est produit, on le distribue, etc. Ou est-ce qu'on en invente un autre ? Donc dans ce cadre-ci, sécuriser le revenu, je crois que c'est effectivement une manière d'acheter la paix sociale, puisque c'est entériner dans ce cadre-ci le contrôle qu'ont les capitalistes sur la décision de comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, comment on le répartit. Et donc c'est finalement donner un petit peu à tout le monde pour qu'on s'accommode de ce fonctionnement-là. Par contre, sécuriser le revenu en ne se rendant pas dépendant de leur maîtrise sur le processus, ben là, ce n'est pas du tout acheter la paix sociale, précisément, parce que c'est s'émanciper de leur contrôle et c'est décider nous-mêmes comment on sécurise notre propre revenu. Donc c'est tout à fait autre chose. Idem pour est-ce que le sens du travail n'est pas assez pris en compte ? Évidemment qu'il n'est pas pris en compte dans le système actuel, puisque précisément, en régime capitaliste, le travail n'a pas de sens. Il sert juste à produire de l'accumulation pour les détenteurs des capitaux. Donc il ne pourrait pas avoir de sens, ou il pourrait seulement l'avoir à la marge, dans les petits lieux où il nous laisse encore des miettes. Par contre, il peut en avoir dans une autre pratique, et il faut se battre pour ce genre de pratique-là. Donc il y a vraiment, dans ces différentes questions-là, cet enjeu fondamental. Est-ce qu'on vise à redistribuer, à changer un petit peu les règles au sein du système actuel, mais on reste dominant d'individus vis-à-vis desquels on est de plus en plus dépendant, ou est-ce qu'on cherche vraiment à s'émanciper ? Mais alors il faut se donner les moyens de s'émanciper de ça. Donc je suis d'accord de dire que ça se construit par des revendications progressives, etc., mais il faut aller dans cette direction-là et non pas entériner leur position. Donc revendiquer par exemple des gains de productivité, ça reste s'inscrire dans le modèle actuel qui en plus écologiquement est quand même en train d'aller droit dans le mur. Donc il y a vraiment des gros problèmes là à rester inscrit dans cette vision-là de l'économie et de la façon dont on a envie de reconnaître économiquement la valeur qui est créée. Alors brièvement, donc, l'allocation universelle, donc, pour nous c'est non, clairement, pas tergiversé. Mais il y a 50 000 définitions, évidemment. Moi, je reviens à l'allocation universelle, je rappelle Friedman et compagnie. Hein. Et quand j'entends l'EMR, c'est de ça qu'on parle. Mais évidemment, les définitions sont importantes. Et donc, autant le salaire à vie, je pense qu'il faut vraiment avoir une discussion, autant l'allocation universelle, financée en supprimant la Sécu, qui vraiment est un partage de la misère. Ça veut dire que ceux qui ont un patrimoine, ben voilà, ça va, tranquille. Même si j'entends Philippe Defayet qui nous dit « Mais attendez, les soins de santé ne vont pas sortir de la Sécu. » Ok, d'accord, mais il restera quand même des parties privatisées, j'en suis persuadé. Par ailleurs, la retraite, voilà, ceux qui ont un patrimoine aura une pension complémentaire, tout ce qu'on veut. Les autres, ce sera la misère qui sera généralisée. Quand on voit les montants, on a des simulations sur les montants nécessaires, 143 milliards nécessaires pour avoir, même en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que la Sécu en Belgique, c'est 60 milliards, on la supprime et il y a des montants complémentaires à rechercher. Je n'y crois pas du tout et pour moi, ce n'est vraiment pas la piste à suivre. Enfin, pour moi, pour la FGDB. Alors, sur le sens du travail, oui, ce n'est pas assez pris en compte, mais systématiquement, nous, on exige la qualité. Et là, je reviens sur l'emploi et je sais que c'est le débat, c'est emploi, travail. Mais nous souhaitons un autre type de production. Évidemment qu'on souhaite un autre type de production pour donner un sens. Alors, on a le débat. Économie circulaire, oui, mais on reste sur le même schéma. Et oui, les capitalistes vont récupérer de toute façon leur bille dans l'économie circulaire. À nous de développer des modèles qui permettent de redonner un sens à ce qu'on veut développer. Le mode de production actuel n'est pas bon. n'est pas bon. Et Marie-Hélène parlait de, d'autres indicateurs pour le PIB. Je pense effectivement qu'on doit revenir à ces éléments-là pour donner un sens au travail. Mais je pense qu'au niveau des syndicats, on a notre rôle à jouer et on essaye de le faire systématiquement pour, voilà, pour émanciper, ça a été cité aussi, pour émanciper à travers le travail. Alors, la sécurisation du revenu, ce que ça légitimise la paix sociale. Le débat sur on n'a pas besoin de patrons. Oui, c'est clair. On est en plein débat sur les restructurations, Caterpillar et compagnie, et les alternatives, c'est de se dire, voilà, on ne va pas chercher un repreneur, parce que c'est compliqué, et parce qu'on va retrouver dans les mêmes dérives, on va se réapproprier les moyens de production, et on va produire nous-mêmes. Il y avait les LIP, hein, je me souviens, en France, qui produisaient les montres. Ce sont des systèmes qui, évidemment, que je développe, mais qui après, voilà, les LIP, on a vu ce que ça a donné, parce qu'on n'a pas réussi à imposer un modèle qui permet de fonctionner. Est-ce que c'est le but à atteindre ? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Évidemment que même si on est ses propres producteurs, je bétonnerai les cotisations. Et je pense qu'on parle aussi de la même chose. Il faut bétonner les cotisations. Mais est-ce que ça légitimise la paix sociale, la façon dont on fonctionne maintenant ? La question, c'est quel est le prix à payer pour la paix sociale, selon moi ? Dans le cadre actuel, hein, dans le cadre dans lequel on est imposé. C'est quel est le prix à payer ? C'est dramatique de parler comme ça. Mais dans le fonctionnement actuel, sans démagogie aucune, c'est quel est le prix à payer ? Donc, est-ce qu'on peut reprendre des gains de productivité ? Les cotisations sociales imposées aux entreprises, ouais, c'est dramatique. On a vu l'évolution sur quelques années. Maintenant, on est à 10-12 milliards de cadeaux aux entreprises qui partent comme ça sans créer aucun emploi. En quelques années, il y a eu 9 milliards d'augmentation et de réduction de cotisations. Donc, les gains dans les poches des entreprises via les réductions de cotisations, ça a augmenté de 9 milliards. Et quand on a vu les distributions de dividendes, c'est 12 milliards. Donc ça veut dire que les réductions de cotisations n'ont servi qu'à aller dans les poches des actionnaires via les dividendes. Alors oui, on doit revenir à éviter ou empêcher des réductions de cotisations. On doit revenir au sens premier pour financer. Est-ce que c'est possible tout de suite ? Très compliqué. Est-ce que c'est l'objectif à terme ? Oui, on doit y arriver. Mais je reviens sur les gains de productivité. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces gains de productivité ? Donc, sur les principes, on est d'accord. Sur la méthode pour les atteindre, là, c'est la discussion. Il faut des propositions concrètes pour les atteindre. Et croyez-moi, on essaye. La CSC et la HDB, c'est 3,2 millions d'affiliés qu'on essaie de toucher, qu'on essaie de convaincre, où on essaie de construire un rapport de force. On est dans un cadre globalisé. Et donc, c'est les méthodes pour atteindre des objectifs que je pense on peut partager en partie hein, ou pleinement pour certains. Et voilà, moi j'ai relevé les questions qui étaient adressées plus particulièrement à l'une d'entre vous. Je vais commencer avec les questions adressées à Madame Ska. La première, c'est est-ce que les pensions sont bien reconnues et vécues en tant que forme de salaire et même en tant que forme de salaire à vie ? La deuxième, c'est une demande de précision concernant l'affirmation selon laquelle la plupart des jeunes aspirent à l'emploi. Et est-ce qu'il y a eu une étude qui faisait la distinction entre l'aspiration à l'emploi et l'aspiration au salaire ? La troisième question concerne les montants ENSS. Et celle-là, elle est partagée, elle vous est adressée aussi, M. Tamalini. Est-ce que les montants ENSS qui sont gérés sont bien reconnus comme de la masse salariale ? Et si oui, est-ce que en tant que masse salariale, c'est bien une forme de salaire social distribué plutôt qu'une redistribution parafiscale. Alors pour vous, M. Tamalini, j'ai beaucoup de questions. La première, c'est concernant la modalité de partage des gains de productivité. Elle aurait été établie en lien avec un taux de croissance de 3 à 4%. Sans ce taux de croissance, qu'en est-il ? La deuxième, c'est que apparemment de 75 à 83, les combats syndicaux avaient comme objectif un maintien de 100% du salaire dans la période de chômage. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un abandon de cette revendication ? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de grève au finish ? Je les ai prises comme ça. Ensuite, qu'en est-il de l'agonie de la concertation qui nous mène vers la révolution, mais avec quelles revendications ? Et enfin, pourquoi il n'y a plus de rapport de force ? Est-ce qu'il y a un lien entre ce manque de rapport de force et les mots d'ordre des mobilisations ? Enfin, pour M. Friot, quelles sont il y a des demandes de précision concernant le salaire à vie concernant le financement et les montants, des précisions qui sont demandées par rapport au lien entre la qualification et le salaire à vie, et des précisions concernant la dernière proposition de doublement des cotisations, notamment en ce qui concerne l'affectation. Voilà. Qui veut des deux réagir en premier ? C'est la parole aux syndicalistes en dernier, ça me paraît normal. Quelques précisions sur le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est un droit politique, c'est ça qui est très important. C'est pas quelque chose qui reconnaît que nous avons des besoins, c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans un... Une sécurisation des revenus sur l'ensemble de la vie, c'est beaucoup plus fort que ça. La mondialisation du capital fait que nous avons perdu la main complètement sur la production. Nous ne maîtrisons rien de l'essentiel de la production. Des groupes capitalistes décident à notre place complètement du travail. Et en plus, sont en mesure maintenant de récuser toute revendication de meilleure répartition de la richesse. Certes, il y a un risque sur lequel notre collègue de la FGTB a insisté, et le patronat en est conscient, mais précisément, jeter comme à des chiens 800 balles par mois à tout le monde, ça ne le dérange pas. Et il le fera. Il le fera pour avoir la paix sociale. Encore une fois, le problème du patronat, ce n'est pas ses sous, c'est son pouvoir. Parce qu'avec 800 balles, les personnes vont certes pouvoir, à des échelles locales, produire autrement, mais le cœur de la production restera capitaliste. Et c'est au cœur de la production qu'il faut que nous adressions. Le salaire à vie... C'est un droit politique qui enrichit la citoyenneté. La citoyenneté réduite aujourd'hui au droit de vote et d'éligibilité, on voit dans quel état elle est. Elle est dans un état de coma profond. Et il faut absolument enrichir la citoyenneté, puisque à quoi bon voter, puisque ça ne change rien sur le travail, c'est-à-dire sur ce qui est le fondement même de notre existence. Donc, le salaire à vie, c'est quelque chose qui est un droit politique qui enrichit la citoyenneté pour nous poser comme souverain sur la valeur économique. Pour être souverain sur la valeur économique, il y a vraiment, encore une fois, deux conditions. La première, c'est de maîtriser l'investissement. Tant que l'investissement repose sur des crédits consentis par des groupes capitalistes, nous ne maîtrisons rien. Et la maîtrise de l'investissement, ça suppose que la cotisation, et là on en arrive au doublement de cotisation, d'accord, que la cotisation, c'est-à-dire la socialisation de la valeur économique générée dans les entreprises, augmente considérablement et se substitue à la socialisation capitaliste de la valeur, parce qu'il y en a une. Je ne sais pas, Google, sa capitalisation boursière, c'est 500 milliards de dollars. Ils socialisent, ces gens-là. Et nous, en face, c'est peanuts, d'accord ? C'est à ce niveau-là qu'il faut que nous socialisons la valeur si nous voulons ne pas jouer petit bras face à nos adversaires. Donc... le doublement des cotisations, oui, ça c'est une revendication fondamentale. C'est très compliqué. C'est pas plus compliqué que le plein emploi. Depuis 40 ans qu'on est sur le plein emploi, on échoue. Alors il y a peut-être moyen de s'interroger sur la légitimité de revendications qui de toute façon nous font échouer et sur l'intérêt de poser des revendications qui certes sont très difficiles, doubler le taux de cotisation, mais qui nous obligent précisément à poser le débat social sur notre terrain. C'est nous qui tenons l'agenda. On n'est pas en permanence à la remorque de l'agenda de nos adversaires. Et on tient un discours autonome. On n'est pas en permanence dans la décalcomanie du discours de nos adversaires. C'est ça ce qu'il s'agit de déplacer. Et c'est ça qui peut susciter une forme d'enthousiasme collectif dans la situation de désespoir collectif dans laquelle nous sommes. À 18 ans, à l'âge de la majorité politique, c'est-à-dire quand on est reconnu comme contributeur de la vie sociale, à 18 ans, chacun a le premier niveau de qualification. La CGT en France préconise 4 niveaux de qualification, pourquoi pas. Les conventions collectives les mieux négociées font que l'écart interdécile des salaires est à peu près de 1 à 4. Bon, pourquoi pas, mais à condition d'être cohérent. C'est-à-dire que si on met, par exemple, le premier niveau de qualification à 1 500 euros net, le quatrième est à 6 000. Hein, et aucun salaire n'est supérieur à 6 000 euros. Donc on inscrit tous les salaires dans une fourchette 1 500 6 000. Et chacun à 18 ans a le premier niveau de qualification et donc les 1500 euros à vie, comme droit politique qui exprime, de même que le droit de suffrage exprime notre capacité à délibérer des affaires politiques, le salaire exprime notre capacité à produire de la valeur économique. Et se heurte à la même question que le suffrage universel. Comment vous allez confier la délibération politique à des manants? Imaginez tous les débats au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, comment vous allez postuler que chacun peut contribuer à la production de valeur? Mais ils iront dans leur hamac. Moi, je souhaiterais que beaucoup de gens aujourd'hui aillent dans leur hamac. Hein. Tous ceux qui nous emmerdent, il y en a beaucoup dans ceux qui travaillent aujourd'hui. Hein. Le fait de poser le salaire comme droit politique fait l'objet de la même suspicion. Et que je comprends très bien, que j'entends très bien. Hein. Tellement nous avons intériorisé que nous sommes des mineurs économiques. Que l'école nous forme à être compétitifs sur le marché du travail et non pas être co-responsables de la production. C'est ça que doit faire l'école. Et là, le rapport au savoir va être complètement changé. On ne va pas être dans la compétition pour avoir la meilleure place sur le marché du travail, ce qui est un truc qui met l'école à bas. Hein ? Notre rapport au savoir va complètement changer à partir du moment où l'école, elle nous formera à être les co-responsables. Il n'y a pas de droit sans responsabilité. Je suis absolument contre les sociétés sans obligation ni sanction. Tout ça est absurde. La co-responsabilité, l'école comme éducatrice de la co-responsabilité de citoyens souverains sur la valeur. Alors là, les profs vont jouer un rôle beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui où ils mettent des notes pour que les gens aient dans les bonnes filières, d'accord ? Ça va être tout autre chose. Le rapport au savoir ne va pas être instrumenté comme il est aujourd'hui quand on a des gamins qui disent « Attendez, mon problème, c'est... Écoutez, il faut que j'ai mon examen parce que... » Le rapport au savoir, à partir du moment où nous sommes co-responsables de la production, il change complètement. Hein ? Parce que nous ouvrons un horizon collectif tout à fait autre. Donc, le salaire à vie, c'est un droit politique, et pour cela irrévocable, hein, de même que le droit de vote, il est irrévocable, le droit au salaire doit être irrévocable. Financé comment ? Écoutez, je prends des chiffres français, d'accord ? Parce que je suis habitué à ces chiffres-là. Notre production, le salaire étant de la monnaie, il ne peut être financé que sur la production marchande. La production marchande, c'est 1300 euros. 1300 milliards d'euros, pardon, en France, d'accord ? Ces 1300 milliards d'euros, au lieu d'être répartis entre capital et travail comme ils le sont aujourd'hui, ils vont uniquement au travail puisqu'ils ne sont produits que par des travailleurs. Bah, diviser 1300 milliards par 50 millions de plus de 18 ans, enfin sur les 66 millions de Français, il y a 50 millions de plus de 18 ans, ça fait un peu plus de 25 000 euros. Par an et par personne. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans la production que nous faisons, et Dieu sait si nous pourrions la faire considérablement évoluer hein, dans son utilité sociale, hein, je ne prêche pas pour le type de PIB que nous produisons aujourd'hui, hein. Mais nous pouvons et nous ne serons pas moins productifs demain qu'aujourd'hui dès lors que nous déciderons au travail. Au contraire, au lieu d'aller au boulot en traînant les pieds, nous irons avec une forme de bonheur. Nous pouvons dès aujourd'hui, dans un cas comme la France, assurer à tous un salaire à vie moyen de 25 000 euros par an. Et je parle en net, d'accord ? Bien. C'est-à-dire de plus de 2 000 euros par mois. Dans une fourchette 1500, 6000. C'est parfaitement possible dès lors que nous affectons la valeur ajoutée marchande à ceux qui la produisent. Quant maintenant à la maîtrise de l'investissement qui est absolument nécessaire, si nous voulons être copropriétaires de nos lieux de travail, être les souverains sur la valeur, enfin décider au travail, il y a deux conditions. Un, il ne faut pas que ce soit notre boîte qui nous paye. Si c'est l'entreprise qui nous paye, nous la fermerons toujours, parce qu'elle exercera sur nous un chantage. C'est une des grandes raisons de l'échec de l'URSS. C'est l'entreprise Providence. Dans l'entreprise Providence, toute la médiocrité peut s'installer, les petits chefs, tout devient possible. C'est pour ça qu'il faut que notre salaire soit totalement indépendant de l'entreprise, qu'il soit versé par une caisse. Ça, c'est décisif. Donc, que l'entreprise cotise une partie de sa valeur ajoutée, d'accord, à une caisse. Mais c'est ce qu'elle fait déjà. Hein. Je connais les statistiques françaises, c'est pas très différent en Belgique, parce que nous avons un système social qui est quand même très proche. 45% du salaire, c'est déjà des cotisations. C'est pas chaque employeur qui paye ses salariés. C'est l'entreprise cotise et c'est la caisse qui paye. Eh bien, il faut que 100% du salaire, ce soit l'entreprise qui cotise, c'est la caisse qui paye. L'entreprise cotise au prorata de sa valeur ajoutée et elle n'a plus à payer ses salariés. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. À quoi bon avoir du salaire à vie si on n'est pas maître de l'investissement, si donc on n'est pas copropriétaire d'usage de l'outil de travail? La maîtrise de l'investissement, ça suppose que nous remplacions le cycle profit-crédit. Je te pique, je te prête ce que je t'ai piqué, tu me rembourses. On remplace le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Celui-même que nous avons pratiqué lorsque nous avons créé un collège par jour entre 65 et 75. Aujourd'hui, on les détruit, c'est autre chose. Lorsque nous avons transformé l'hôpital Mouroir en hôpital lieu de soins. Nous n'avons pas fait ça par du partenariat public-privé, on n'a pas fait ça par un appel au marché des capitaux, on a fait ça en augmentant l'impôt s'agissant des collèges et la cotisation sociale s'agissant des hôpitaux. C'est-à-dire qu'en socialisant une part suffisante de la valeur pour qu'elle puisse subventionner l'investissement, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de crédit pour investir, puisqu'un investissement génère une valeur supplémentaire qui va pouvoir être cotisée pour permettre en T plus 1 la subvention de l'investissement nouveau qui générera en T plus 2 une valeur supplémentaire qui sera cotisée pour pouvoir permettre la subvention en T plus 2 d'un investissement nouveau qui générera en T. Il n'y a aucune utopie dans ce que je raconte. Il y a ce qu'un historien de la Sécu essaye de tirer pour aujourd'hui. C'est ça, il y a un déjà là suffisamment fort pour que nous puissions sortir notre marasme collectif. Nous avons déjà, à une échelle très forte, remplacé le profit par la cotisation et remplacé le crédit par la subvention. Et bien, il faut généraliser. Et dans le droit au salaire à vie, c'est à 18 ans. Un, le droit au premier niveau de qualification. Quel que soit le passé scolaire, quel que soit le handicap, tout le monde doit être connu, non pas pour ses besoins. Ça, je refuse cette description méprisante de l'humanité. Chacun doit être reconnu pour sa caractère créatif. Je suis un créateur, je ne suis pas un être de besoin. Je refuse complètement cette anthropologie-là. Deuxièmement, le droit d'être copropriétaire d'usage de l'outil de travail par lequel nous passerons, c'est-à-dire de décider au travail sans tirer aucun revenu de ce patrimoine. Et troisièmement, le droit de délibérer dans les caisses d'investissement qui seront chargés d'assurer cette propriété d'usage en se substituant au profit. Alors, Alors, je vais un tout petit point très pragmatique, donc c'est rien à voir avec l'émancipation du rapport salarial. C'est juste qu'on va vous faire passer une feuille dans la salle pour si vous avez envie d'assister aux prochains événements Econosphère. Là, vous avez encore le temps de décrire votre mail sur la feuille, sachant comme ça, on pourra vous relancer pour les prochains événements. Voilà. Bon, merci. Alors, oui à l'utopie, oui mille fois à l'utopie. On en a besoin comme de pain pour pouvoir sortir du marasme actuel, sans aucun problème. La question est comment est-ce qu'on passe de la situation d'aujourd'hui à l'utopie de demain ? Et je reviens sur la question qui a été posée tantôt en disant finalement, la question c'était pourquoi est-ce que les combats syndicaux des années 80, pourquoi est-ce qu'on a capitulé en race campagne ? Moi je ne suis pas sûre qu'on ait capitulé en race campagne. Mais, en 80, on lisait l'actualité avec les lunettes qu'on avait en 80. Et en 80, moi je me souviens très bien de la situation, on disait c'est une crise. Et c'est une crise et ça va revenir comme hier. Et donc, il faut faire le gros dos et voir comment on va revenir à la situation d'hier, c'est-à-dire à la situation qui a finalement été une situation exceptionnelle, qui était celle des 30 Glorieuses, après une guerre qui avait tout détruit, et on a eu des gains de productivité, on a eu de la croissance parce que l'économie était au point mort partout, parce qu'il y avait tout à reconstruire, parce que l'Europe était à la pointe et que la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, que le Japon n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, etc. Tout ça, on a oublié. Et donc, dans les années 80, les combats étaient ceux de poursuivre sur le modèle existant. Tout le monde avait une voiture, commençait à avoir un salaire consistant, avait pu réduire son temps de travail, etc. Et on avait l'impression que ce modèle n'allait jamais se stopper. Sauf qu'on s'est trompé. Et c'est toujours facile, après, de relire l'histoire avec nos lunettes où on a lu tous les livres d'histoire, etc. Quand on est le contemporain des changements, c'est nettement plus compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la situation. Donc oui, on a besoin, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, d'utopie pour sortir du marasme dans lequel on est. Et en même temps, il faut pouvoir gérer cette transition entre aujourd'hui et demain. J'ai une deuxième réflexion. Sortir du salariat, sortir du capitalisme, etc. La question centrale est celle des interlocuteurs dans la discussion. Le salariat, la société telle qu'elle s'est développée, elle s'est développée autour d'interlocuteurs. Les organisations syndicales, les organisations patronales, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin. Le gouvernement en Belgique, mais pas qu'en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, regardez ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ces jours-ci. C'est de dire, les élus, c'est nous. L'interlocuteur, c'est nous. Point barre. Et Obama disait, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, le plus grand danger de la démocratie, c'est quand on croit qu'elle est acquise. Et je pense que le plus grand danger qui nous guette, nous, c'est de croire à un moment donné que tout ça est acquis. Moi, je me souviens, dans les rangs syndicaux, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous disait, de manière, arrêtez de nous rabâcher les oreilles avec l'index, etc. L'index, il est quand même acquis. On a tout vu qu'il était acquis. Et donc, oui, évidemment, c'est pas très sexy comme combat. Et pourtant, je pense que c'est essentiel comme combat aussi. Donc, on doit articuler sans cesse ces combats de demain et ces combats d'aujourd'hui. Il y avait deux questions plus précises sur les jeunes. Est-ce qu'ils aspirent à de l'emploi ou au travail ou à un revenu ? Je pense qu'ils aspirent à un revenu, ces jeunes dits peu qualifiés ou en tout cas... qui ont été exclus de beaucoup de choses. D'abord parce que pour eux, ça reste le modèle de la réussite. Ceux qui leur donnent des leçons tous les jours, bah, c'est ceux qui en ont du boulot et qui ont du pouvoir d'achat et qui ont une voiture et qui peuvent sortir. Alors qu'eux, ils doivent aller mendier 20 euros aux parents quand ils en ont et quand ils peuvent encore le faire pour sortir, pour aller acheter ceci ou ça. Et donc oui, c'est important. Mais c'est aussi important parce que c'est la seule valorisation qu'ils se trouvent aujourd'hui. Alors le monde est en train de changer. Pas seulement chez les intellectuels, mais aussi chez beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à ce niveau-là. Parce qu'ils se rendent compte que ce monde-là, ils n'y accéderont jamais, et peut-être que c'est une chimère que de vouloir chercher à intégrer ce monde-là. Mais moi, je ne me permettrai en tout cas jamais, de là où je suis, de porter le moindre jugement sur les aspirations des uns et des autres. C'est tellement facile quand on est là où on est. Moi, j'entends tous les jours les employeurs nous parler de mobilité, de flexibilité, etc. Enfin... peut en discuter à perte de vue, mais ceux qu'on a comme interlocuteurs en face de nous, ils ont quelle flexibilité? Ils ont fait combien d'intérim? Ils ont été combien de mois au chômage, etc. Eux, ils sont sur un poste fixe, sûr, avec un salaire qui n'est pas le salaire minimum. Et c'est eux qui nous expliquent qu'il faut de la flexibilité, qu'il faut de la mobilité, qu'il faut changer de boulot tous les 5 ans. Nos homologues à la table des négociations, je regardais, je m'amuse souvent à ce genre de choses. Il y en a un qui est là depuis 25 ans. Et ce n'est pas un reproche. D'ailleurs, il nous fait des leçons d'histoire tout le temps en disant qu'il connaît bien la concertation sociale. Mais il plaide la flexibilité, la mobilité, le fait qu'il faut accepter de commencer tout en bas, etc. Moi, j'aime pas qu'on me donne des leçons, ni qu'on donne des leçons aux uns et aux autres si on n'est pas en capacité d'être soi-même dans la situation. Personne ne peut accepter ça. Et donc, ça reste pour moi un fondement de notre action. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ces aspirations-là et ne pas les balayer d'un revers de la main. Elles sont, me semble-t-il, importantes. Je n'ai pas bien compris la question sur le fait de savoir si la pension est un salaire à vie ou pas. En tout cas, c'est ce qui doit permettre aux uns et aux autres de vivre dignement le plus longtemps possible et jusqu'au bout de sa vie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, à côté des considérations monétaires sur le devenir du système de pension, nous devons aussi développer toute une série d'autres considérations qui ne sont pas faciles, parce qu'on est dans un pays vachement compliqué et très surréaliste. Aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées, elles ont une pension faible. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, selon les statistiques, propriétaires de leur maison. D'une maison qui n'est pas adaptée à leurs besoins. Elles font quoi? Elles vendent leur maison? Elles reconfigurent leur logement? Où est leur droit à la mobilité, leur droit à une participation culturelle, leur droit à avoir un rôle dans la société? Notre revendication n'est pas, et ne sera pas, j'espère, de se dire qu'il faut monter le montant des pensions au montant du prix dans une maison de repos. Moi, j'ai entendu ces revendications très souvent en disant « Aujourd'hui, la pension ne permet pas d'aller dans une maison de repos. » D'abord, ce n'est pas un horizon. Et deux, ce n'est pas qu'une question monétaire. C'est aussi une question qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Alors, vivre en bonne santé longtemps, souvent, ceux qui ont fait des études, qui ont une carrière qui le permettait, etc. Toutes les données géographiques montrent que c'est à Liège, à Charleroi, dans le Hainaut, sur la trame industrielle, qu'on vit le moins longtemps en bonne santé. Ça reste une réalité aujourd'hui. Ça reste une réalité aujourd'hui. Et donc, c'est pas la même chose de plaider pour une pension qui soit une pension de vivre dignement, qui permette de vivre dignement en fonction du fait qu'on a que sa pension ou qu'on a une complémentaire de pension. C'est pas la même chose. Qu'on est propriétaire de sa maison ou qu'on ne l'est pas. Qu'on a des problèmes de santé ou qu'on ne l'est pas. Et donc, tous ces combats-là, ils restent aujourd'hui des combats qui sont des combats d'actualité à côté. Et l'un, pour moi, n'a pas la priorité ou quoi sur l'autre. De ce combat sur quelles sont les utopies, quels sont les projets collectifs que nous voulons mener pour demain, quelles sont les revendications que nous voulons pour demain. Mais je le redis, pour moi, une question centrale est la question de savoir quel projet nous voulons et avec quels interlocuteurs nous voulons le faire. Nous pouvons vouloir avoir raison tout seul. Moi, je connais plein de gens. Le propre d'un enfant, c'est qu'il a envie d'avoir raison tout seul. Et d'ailleurs, par définition, il a raison tout seul. Et quand il est ado, c'est encore pire. Sauf qu'à un moment donné, il se dit, j'ai besoin d'un interlocuteur, j'ai besoin de savoir avec qui je fonctionne. Et ça, c'est vraiment notre difficulté aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le taux de croissance de 3-4% pour partager les gains de productivité. Moi, quand j'étais à l'UNIF, on me montrait des modèles économétriques, on me disait il faut 2% de croissance pour créer de l'emploi. Alors, les modèles économétriques, quand je vois ce qu'on en fait, ce qu'il en est, les paramètres, moi, je pense qu'il faut une volonté politique de créer de l'emploi ou de partager les gains de productivité. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, la Belgique reste dans le top, je crois, 5-6 des pays les plus productifs. En 20 ans, on a doublé le PIB. Il faut deux fois moins de travailleurs pour financer les pensions, par exemple. On nous dit que les pensions sont infinançables. Il y a de plus en plus de pensionnés par rapport aux actifs. Et on ne parle jamais des gains de productivité réalisés qui font qu'il faut deux fois moins d'actifs pour produire la même chose. Et donc, il faut deux fois moins d'actifs pour financer les pensions. Donc ça, ce sont des faux débats. Pas rentrer dans ce schéma-là. Il faut sortir du cadre. Pas nous dire qu'il faut 3% de croissance pour distribuer les gains de productivité. Il faut 2% de croissance pour créer de l'emploi. Soit on prend la décision politique, on a la volonté politique de créer de l'emploi de qualité, de redistribuer les gains de productivité, soit il n'y a pas de volonté politique. Le pognon, les richesses, elles sont là, elles sont quelque part. Le rapport d'Oxfam met bien en lumière, et donc c'est la volonté politique de le faire. Sortons du cadre, ne nous laissons pas brûler le cerveau en nous disant tel ou tel modèle nous dit que ce n'est pas possible, alors on ne peut pas le faire. Ça, c'est, faut sortir de ça. Alors, entre 75 et 83, revendication, 100% salaire pour le chômage sur les 100% du dernier salaire. Bon, je suis né en 74, et donc ça c'est facile hein, à venir. Hein. Mais évidemment. Oui, mais j'en suis persuadé. Ouais. Non, mais ça, j'en suis persuadé que c'est une victoire et qu'on a obtenu ça. On est là au basculement avec Thatcher, Reagan. On est à ce moment-là. On n'est pas dans les systèmes maintenant de compétitivité amenés avec des taux de réduction de cotisation. On n'est pas en train de tout détricoter. Et donc, on est dans un contexte différent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à cette revendication-là ? On a amené des débats sur les périodes assimilées, par exemple, de dire pour la pension, eh bien, il faut assimiler les périodes de chômage pour avoir une pension décente. Les pensions sont à un niveau qui est, on a la pire pension de l'Union européenne proportionnellement. On est juste au-dessus d'Irlande. Et donc, oui, ça se détricote d'année en année. Ça, c'est un constat. Évidemment que moi, je signe tout de suite, Marie-Hélène aussi, je pense, pour avoir une revendication à 100% du dernier salaire, que ce soit pour le chômage ou pour d'autres, d'ailleurs, d'autres allocations. Mais je constate effectivement qu'on a laissé s'effriter le modèle parce qu'on est rentré dans des logiques de réduction de cotisation, de manque de moyens. On est en train de siphonner les moyens qui nous permettent de répondre à ces revendications-là. Est-ce qu'on doit y revenir ? Évidemment. Est-ce que c'est facile ? Non, c'est clair. On devra sortir d'un schéma compétitif pour pouvoir y revenir. Mais je constate que la situation était différente. Bon, voilà, les revendications sont celles qu'on met sur la table. Ce qu'on obtient, c'est bien loin de ce qu'on devrait obtenir. Pourquoi plus de grève au finish ? J'ai dit 152 fois, mais je vais le répéter, c'est le rapport de force. C'est que pour faire une grève générale, il faut arrêter le pays. Et qu'il y a des réalités différentes d'un côté à l'autre. Il y a des endroits, il faut convaincre les gens qui ont peur qu'il faut qu'ensemble, on va pouvoir essayer de créer un rapport de force, mais c'est très compliqué. Alors moi, c'est pour ça que je plaide toujours pour les grèves générales, évidemment. C'est reconnu par l'OIT, c'est reconnu par la Charte sociale européenne. On a une légitimité à pouvoir le faire au niveau international. On doit garder les patrons peur de ça. Ils essayent de nous mettre en difficulté en amenant des huissiers, en aimant tout ce qu'on veut, parce qu'ils savent qu'on a une légitimité à le faire. Donc on doit continuer à défendre la grève générale. Et on doit construire les étapes pour le faire. Mais vous savez que moi, je défends le concept du viser juste. Il y a 20, 30 ans, on a arrêté 10 boîtes dans le pays, la sidérurgie. Hein. Et voilà, le pays était à l'arrêt. Maintenant, ce n'est plus la même configuration. On peut dire ce qu'on veut. On a, je ne sais pas combien de PME. C'est ça le gros de nos entreprises. Et donc, on doit faire évoluer ce rapport de force. Le viser juste, c'est qu'on sait qu'à la FEB, ils ont un conseil d'administration. Et il y a 15 entreprises. Si on les bloque, celles-là, croyez-moi, ils vont vite aller voir le Premier ministre pour dire hop, hop, hop, on est bloqué, on perd autant de millions par jour. Et donc, il faut, ou pas, hein, ça, c'est leur responsabilité. Mais là, c'est viser juste. Et là, on rallie à notre cause des gens qui nous disent, vous nous emmerdez, vous... Oui, ok, on les emmerde, mais quand on négocie un truc, ils le prennent quand même. Je suis à zéro, là. Alors, je vais en vitesse. Donc, le viser juste est un élément, pour moi, qui permet, par étapes, d'arriver à des grèves plus costaudes. Agonie de la concertation vers la révolution. Le mandat que j'ai, c'est de faire refonctionner la concertation. Alors, j'ai du mal à y croire, c'est vrai, mais c'est le mandat que j'ai. On ne me dit pas « fais la révolution », on me dit « fais refonctionner la concertation ». Pour faire refonctionner la concertation, je dois mettre la pression sur les employeurs. En 45, ils avaient peur. Hein. Ils avaient peur. Là, je n'ai pas les moyens pour l'instant de leur faire peur. On doit pas leur faire peur systématiquement, mais remettre la pression nécessaire. Et je reviens au viser juste. Viser juste, ça veut dire cibler des entreprises qui feront fonctionner la concertation ou pas. Alors après, on doit prendre nos responsabilités. La révolution, je répète, on a certainement un rôle à jouer, nous, en tant que syndicat, de masse, mais je suis certain qu'elle sera citoyenne. Alors, le rapport de force, est-ce que le rapport de force est brisé à cause de nos mots d'ordre ? Pour moi, ma vision du syndicalisme, c'est que le mandat doit venir de la base. Et on a un problème de démocratie interne. On a un problème de démocratie interne, on n'arrive plus suffisamment à écouter la base et que ça remonte dans les structures. Je reviens à ce que tu disais, qu'on n'écoute pas suffisamment certaines catégories, alors qu'on fait partie d'une seule classe. Hein. On a mis des catégories et on n'écoute plus suffisamment, on ne le fait pas suffisamment remonter et le feedback ne fonctionne pas. Donc on doit d'abord régler le problème de démocratie interne pour pouvoir ensuite que les mots d'ordre nous viennent de la base. Ce n'est pas nous qui devons donner des mots d'ordre en disant oh, c'est comme ça les gars. Hein. Non, c'est les mots d'ordre doivent venir de la base, sur base de réalité, et alors on applique les décisions. Bon voilà, démocratie interne à renforcer au niveau des syndicats, c'est clair.